moi qui suis au fond, et je fonds dans ma fronde, ma fronde contre le monde, ma solitude m'affronte. Je sais pas pourquoi, mais y'a plus rien qui m'attache. Mais là c'est à la vie son défait, et la mort se tarde. Multiplie 365 par 80 années, et tu verras la peine à laquelle je suis peut-être condamné. La douleur s'intensifie, mon regard s'authentifie, me voilà déjà liquidé, serais-je assez solide. J'entame la vie avec des visions de m'accabler. Ce texte est court, mais c'est parce que je veux pas m'accabler. Ma main se retient à faire on sur la télécommande. Mais faut-il que je sache combien les hommes se mentent? La religion pour certains n'a plus ni queue ni tête. J'ai le sentiment qu'on ferme les yeux, mais qu'on est tous des traîtres. Traîtres parce que rien n'est sorti de la bouche de la nature. Pour qu'on se mette à jouer avec elle comme le feraient des acteurs. Je peux pas continuer quand l'amour me heurte. Avoir perdu un bout de mon cœur, c'est bien le pire malheur. J'aurais pas la voix pour éveiller toutes nos âmes silencieuses. Je préfère m'éteindre pour plus voir les sept péchés sous mes yeux. J'aurais pas la voix pour éveiller toutes nos âmes silencieuses. Je préfère m'éteindre pour plus voir les sept péchés sous mes yeux. Ce soir je suis mal, comme tant d'autres, alors je m'isole. Encore une fois je fixe la lune, avec l'espoir de pouvoir sortir ma camisole. Je regarde l'infini qui se reflète dans mes larmes. Un stylo dans la main, avec sur mes veines une lame. Je pense à mon avenir, que j'ai du mal à dessiner. Apparemment le croquis que j'avais fait, au fil du temps s'était passé. Je croyais en l'amour, mais je me suis trop ramassé. Mon cœur est lourd, mais que faire, je ne peux pas le lester. J'ai besoin d'aimer, d'être aimé, car plus le temps passe et plus je me sens emprisonné dans nos cellules superficielles. J'aimerais prendre quelque chose, mais rien ne me correspond. Et à force de me morfondre, je tombe dans la déraison. J'en arrive même à confondre amour et haine, bonheur et peine. Mes sentiments se contredisent, car même si la mort me fait peur, des fois j'ai envie de l'approcher. Alors par le biais d'une arme avec elle un jour, je risquerai de communiquer. Car j'en ai marre que mes pupilles oscillent à cause de ce monde trop hostile. De ce monde trop hostile. J'aurais pas la voix pour éveiller toutes nos âmes silencieuses. Je préfère m'éteindre pour plus voir les sept péchés sous mes yeux. J'aurais pas la voix pour éveiller toutes nos âmes silencieuses. Je préfère m'éteindre pour plus voir les sept péchés sous mes yeux.